Le deuxième exposé de cet après-midi sera celui d'Eva Debré. Il porte sur un texte particulier de Luhmann, la préface à la traduction allemande de la division du travail social de Durkheim. Tu as la parole. Merci. Alors je vais procéder en fait pendant cette communication à un commentaire de la préface donc, de Luhmann à la traduction allemande de la division du travail social. Alors je précise qu'on trouve ce texte dans Die Moral der Gesellschaft, mais ce texte initialement se trouvait déjà dans la première traduction de l'œuvre de Durkheim publiée en 1977. Elle a été republiée lorsque la traduction elle-même a été republiée, je ne sais plus si c'était en 80, enfin dans les années 80. Donc, pour commencer, je dirais que Luhmann se réfère dans toutes ses œuvres abondamment à des travaux de nombreux sociologues et philosophes. Luhmann a même consacré des textes ou des œuvres entières à la discussion d'autres théories sociologiques ou philosophiques. Alors on pensera aux articles qui sont consacrés à la discussion des thèses de Parsons, notamment dans les années 60-70, à la discussion des positions d'Habermas dans Théorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, ou encore à l'article consacré au concept de Lebenswelt. Alors, le fait que Luhmann ait publié la préface d'une œuvre d'un classique de la sociologie, et ce précisément au moment où cette œuvre est introduite en Allemagne en langue allemande, doit cependant retenir particulièrement notre attention. Une telle démarche constitue une preuve de l'inscription de Luhmann dans la tradition de la pensée durkheimienne. Et Luhmann prend d'ailleurs bien soin, dès la première section du texte, d'annoncer lui-même explicitement son inscription dans la pensée de Durkheim. Il explique dans quelle mesure, en effet, dans la première section, le texte d'un classique reste actuel à son époque. Il nous invite lui-même ainsi à rechercher dans quelle mesure il s'inscrit dans la continuité de cette pensée. Dans la première section, Luhmann précise également que s'il s'inscrit dans la continuité de Durkheim, il ne le fait pas sur le même mode que Parsons. En effet, selon lui, tandis que Parsons reprendrait à son compte un problème durkheimien ainsi que la solution que Durkheim fournit à ce problème, Luhmann, quant à lui, affirme explicitement qu'il ne reprend qu'un problème chez Durkheim et non la réponse à ce problème qu'il considère comme insuffisante. Alors Luhmann formule ce problème de la manière suivante. Comment, alors c'est dans la section 4 au tout début, comment des individus qui agissent de manière indépendante et qui sont aptes à prendre des décisions peuvent-ils constituer une relation sociale ou un système social? En d'autres termes, comment l'ordre social est possible alors que les individus peuvent choisir chacun pour soi leurs actions? Luhmann pointe ici le fait, je préciserai par la suite, que Durkheim se poserait la question de savoir comment, lorsque l'on constate une diminution du contrôle social sur les individus, on peut néanmoins rendre compte de la possibilité d'un ordre social. Alors que s'agit-il pour Luhmann de faire dans ce texte? On est en effet en droit de se demander pourquoi Luhmann se réfère en particulier à Durkheim. Pourquoi il a écrit cette préface? Et à cet égard, on peut se demander pourquoi Luhmann ne se réclame pas directement d'un autre classique plus proche de ses positions quant à la solution qu'il fournirait. Alors par exemple, pourquoi ne pas se réclamer plus de Durkheim, dont on verra que la solution se rapproche peut-être plus de celle de Luhmann. En outre, autre point de difficulté, Luhmann indique lui-même que Durkheim n'a pas formulé rigoureusement son problème et qu'il procède donc à un déplacement dans la formulation du problème durkheimien. Pourquoi donc s'inscrire dans la tradition durkheimienne coûte que coûte? Cette référence à ce problème que Luhmann trouverait chez Durkheim présente selon moi l'enjeu suivant. Luhmann partage avec Durkheim l'idée que les phénomènes sociaux posséderaient une réalité sui generis. On a dit ça, il ne veut pas renoncer à ça. Toute la difficulté tient cependant à ce que l'on se réfère en général à la pensée durkheimienne pour affirmer que cette première idée, que les phénomènes sociaux possèdent une réalité sui generis, est solidaire d'une autre, à savoir l'idée d'un contrôle social que la société exercerait sur ses membres. En reconnaissant à la société une réalité spécifique, c'est-à-dire en considérant qu'elle se distingue des individus qui la composent, il semble difficile de préserver la possibilité pour ces individus d'un affranchissement par rapport au contrôle que la société pourrait exercer sur eux. Or, Luhmann s'attache à dissocier les deux idées. Dans cette perspective, Il me semble que présenter le problème qu'il met au jour dans cette préface comme étant celui de Durkheim participe donc d'une stratégie argumentative. Il s'agit de montrer que cette entreprise de désolidarisation des deux idées que j'ai citées était présente en germe et non mise totalement en œuvre chez Durkheim, et que seul Luhmann serait en mesure de le mener à bien, car lui seul détient les moyens de résoudre le problème qu'il décèle dans cette préface. Luhmann considère que son propre projet pourra être plus facilement mené à bien s'il montre que, dans une certaine mesure, cette entreprise était bien présente chez Durkheim lui-même. On comprendrait alors pourquoi Luhmann, tout en modifiant le problème durkheimien, continuerait à s'en réclamer. Alors je procéderai en trois moments dans cette communication. Tout d'abord, je verrai comment Luhmann présente le problème que Durkheim poserait selon lui dans la division du travail social, et je mettrai à cette occasion au jour la stratégie argumentative à laquelle Luhmann recourt dans sa lecture de Durkheim. Je verrai ensuite en quoi Durkheim, selon Luhmann, échoue cependant dans la réponse qu'il en donne, et en quoi Luhmann, quant à lui, réussit, et par là mène à bien le projet qui le suit. Enfin, il faudra quand même se demander si le déplacement que Luhmann opère sur la formulation du problème de Durkheim est justifié. Sans cela, sa stratégie argumentative semblerait bien fragile. Donc je m'intéresserai tout d'abord à la manière dont Luhmann reprend un problème chez Durkheim. Et tout d'abord, je voudrais apporter à nouveau quelques précisions sur l'inscription de Luhmann dans la tradition sociologique, pour montrer quelle stratégie argumentative à laquelle il recourt. Dès le début du texte, Luhmann consacre donc un développement, comme je l'ai dit, assez important sur la question « Qu'est-ce qui fait l'actualité de l'œuvre d'un classique ?» Si Luhmann attaque cette question en début de préface, c'est justement, selon moi, parce que cette question ne va pas de soi, et elle indique que la relation de Luhmann à Durkheim n'est pas si simple. Alors, comme j'ai indiqué en introduction, Luhmann affirme que l'œuvre de Durkheim reste actuelle en raison des problèmes qu'elle pose et non en raison des thèses qu'elle défend. Mais Luhmann ne se contente pas de mettre au jour un problème que Durkheim lui aurait livré. Il faut d'abord avoir en tête que Luhmann a lu le commentaire de Parsons sur Durkheim. J'ai pas indiqué les notes dans la traduction que j'ai distribuée, mais il y a toute une note énorme où il cite beaucoup de textes de Parsons sur Durkheim. Et il s'agit d'abord, on va le voir, de mettre au jour le problème durkheimien que Parsons lui-même n'a pas bien décelé. Mais plus intéressant encore, et c'est d'ailleurs ce qui permettrait à Luhmann d'expliquer l'erreur de Parsons en un certain sens, Luhmann considère que Durkheim lui-même n'aurait pas non plus formulé clairement le problème qui était le sien dans De la division du travail social, comme on le voit au tout début de la section 4. Er hat nicht scharf unscharf operiert, quand il a posé son problème. Il faudra donc être sensible au déplacement que Luhmann opère dans sa compréhension du problème durkheimien. À cet égard, on fera remarquer que Luhmann procède en fait bien souvent, comme tout philosophe ou sociologue, de toute façon quand il lit un autre classique, il procède bien souvent à des déplacements lorsqu'il reprend au classique leur problème. Reprenant par exemple le problème de la double contingence chez Parsons, il en change radicalement le contenu. On pourrait le montrer aussi ici. Donc il faut tout d'abord se demander pourquoi Luhmann s'intéresse à Durkheim, et en particulier à cette œuvre-là de la division du travail social, et donc voir quel problème en particulier l'intéressait dans cette œuvre. Selon Luhmann, qui suit là le commentaire de Parsons, Durkheim pose le problème de la possibilité de l'ordre social. On sait que ce problème constitue le fil directeur de l'œuvre de Luhmann, de manière générale. Mais on est là trop imprécis. Durkheim pose la question de savoir comment l'ordre social moderne est possible. C'est sur ce point que Luhmann s'intéresse à Luhmann. Pourquoi Luhmann s'intéresse à la formulation durkheimienne de ce problème, et pourquoi Luhmann se penche-t-il précisément sur l'œuvre de Durkheim qui est de la division du travail social? Il semblerait, selon Luhmann, que Durkheim aurait d'ailleurs abandonné ce problème par la suite. C'est pour ça qu'il s'intéresse à cette œuvre-là. Et dans l'une des premières notes du texte, Luhmann se réfère à cet égard justement au jugement de Robert Nisbet sur cette œuvre de Durkheim. Nisbet considère ce livre, ni Durkheim, comme Luhmann, pardon, comme un livre qui, en un certain sens, aurait été un échec. Nisbet prendrait pour preuve notamment le fait que Durkheim ne se réfère plus, par la suite, à la distinction fondamentale exploitée dans cette œuvre entre solidarité mécanique et solidarité organique. En quoi consiste donc ce problème chez Luhmann ? Luhmann le formule de la manière suivante, comme je l'ai indiqué en introduction, comment des individus qui agissent de manière indépendante et qui sont aptes à prendre des décisions peuvent-ils constituer une relation sociale ou un système social? En d'autres termes, comment l'ordre social est-il possible alors que les individus peuvent choisir chacun pour soi leurs actions? L'idée importante que souligne Luhmann, c'est que Durkheim prend acte, dans sa description des sociétés modernes, d'une diminution de ce que j'appellerais du contrôle social sur les actions des individus. Durkheim aurait cependant, indique Luhmann, ouvert la voie, mais se serait arrêté en route. Tout d'abord, voyons dans quelle mesure on peut considérer qu'il s'agit du problème soulevé par Durkheim dans la division du travail social. Alors la société moderne, selon Durkheim, se caractérise par le fait qu'elle accorderait une place plus importante aux traits individuels de ses membres. Alors, elle le fait parce que dans les sociétés anciennes, l'ordre social reposait sur la similitude que les membres de la société présentent dans leurs croyances et dans leurs sentiments. Je cite la page 99 de l'édition française, en opus. Ces similitudes sont ce qui produirait chez les individus un sentiment de solidarité sur lequel repose l'ordre social. Cette solidarité est appelée ainsi solidarité par similitude ou encore solidarité mécanique. Cet ensemble, je cite, des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d'une même société est désigné par la notion de conscience collective ou commune, et elle est ce sur quoi repose l'ordre social dans les sociétés anciennes. Ce type collectif fournit sa définition à la notion de société, du moins en ce qui concerne les sociétés anciennes. Et c'est dans la mesure où les individus réalisent ce type collectif que l'ordre social peut exister. On comprend que cette conscience collective a d'autant plus de force que, je cite, « la personnalité individuelle est absorbée dans la personnalité collective ». L'évolution de la société va dans le sens d'un accroissement, d'un développement des différences individuelles de ses membres. À cet égard, le modèle de la division du travail permettrait, une fois que l'on aurait dépouillé cette notion de sa signification strictement économique, de rendre compte de ce phénomène de différenciation. Il permet de rendre compte de ce phénomène, donc ce modèle de la division du travail, en ce qu'il considère que chaque individu exerce une fonction différente des autres fonctions exercées par les autres individus. Cette évolution se caractérise donc par le fait que la conscience collective détermine de moins en moins les comportements, les croyances, les sentiments des individus. Pour que ces différences individuelles apparaissent, il faut en effet, je cite Durkheim, que la conscience collective laisse découverte une partie de la conscience individuelle pour que s'y établissent ses fonctions spéciales qu'elle ne peut réglementer. L'évolution de la société va donc dans le sens d'une diminution, comme j'ai dit, du poids des croyances et des valeurs communes qui, de ce fait, déterminent de moins en moins les actions des membres de la société. De là, on comprend que les sociétés modernes se caractérisent par le fait que nous avons plus tendance à agir et à penser par nous-mêmes. Les membres, selon Durkheim, de la société moderne détiennent désormais un mouvement propre, je le cite, et il utilise par ailleurs les termes d'autonomie, notamment à la fin de la préface à la première édition. Il parle de l'initiative laissée à chacun qui résulte de cette évolution, c'est-à-dire du fait que la conduite des membres de la société est de moins en moins réglementée par cette conscience collective. C'est-à-dire ici par la société, dans ce sens-là. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'emploi de la notion de solidarité mécanique pour rendre compte de l'ordre social des sociétés anciennes et celle de solidarité organique pour rendre compte de l'ordre social des sociétés modernes. Dans les sociétés anciennes, l'ordre social repose sur une solidarité mécanique car dans ces sociétés, nous dit Durkheim, les membres n'ont pas de mouvement propre, tout comme les membres d'un corps inorganique. J'indique dès à présent que je me demanderai dans la troisième partie de cette communication si le modèle de différenciation fonctionnelle qui est utilisé par Luhmann pour rendre compte des sociétés modernes est directement influencé par le modèle de la division du travail que Durkheim utilise pour rendre compte donc de l'ordre social moderne. La réponse n'est pas très simple. L'apparition d'une société dont la structure dérive de la division du travail social chez Durkheim semble en tout cas coïncider avec d'une part une plus grande individuation des membres de la société et par là même d'autre part à une moindre détermination des actions individuelles par la société, comprise la conscience collective. Pourquoi Luhmann insiste-t-il sur ce problème que Durkheim chercherait selon lui à résoudre ? Pourquoi Luhmann, comme je me suis posé la question, ne se réfère-t-il pas à un autre auteur ? Pourquoi vouloir se référer à Durkheim, quitte même, comme il le dit lui-même, à reformuler le problème qui est le sien ? Quelques éléments de réponse peuvent être apportés qui surgissent de manière discrète dans ce texte, dans la préface. Ce à quoi, il me semble, Luhmann ne veut pas renoncer, c'est l'idée, comme j'ai dit, que la société ou les phénomènes sociaux posséderaient une réalité sui generis. Or, cette idée d'une réalité spécifique des phénomènes sociaux a pu longtemps être corrélée, principalement chez Durkheim, à celle d'un contrôle social sur les individus. Luhmann s'attache à déconnecter ces deux idées l'une de l'autre, et il va même jusqu'à affirmer que cette position ontologique amène bien au contraire à préserver une plus grande liberté aux hommes. Alors je cite la section 4, vers le milieu. De plus, on doit se poser la question de savoir s'il n'est pas justement nécessaire de distinguer l'idée d'une intensification de la force de lien moral produit par la conscience collective et celle d'une intensification des relations interpersonnelles comprises comme des relations d'identification réciproque, si l'on fait l'hypothèse que le social constitue un monde de faits autonome et si l'on tient compte d'une augmentation produite par l'évolution de l'individualisation. On voit qu'il essaie de connecter les deux idées. Ici, Luhmann s'attache bien à délier les deux idées que j'ai citées. On voit que ici le processus d'individualisation est une idée charnière chez Luhmann pour procéder au démêlement de ces deux idées. Cette préoccupation sera présente dans les œuvres ultérieures de Luhmann, par exemple dans Systèmes sociaux, dans le chapitre Interpénétration, qui est consacré aux relations que les êtres humains entretiennent avec les systèmes sociaux, c'est-à-dire avec l'ordre social. Luhmann indiquera qu'en plaçant l'individu dans l'environnement des systèmes sociaux, donc c'est-à-dire en reconnaissant aux systèmes sociaux une réalité sui generis, je pense qu'il faut avoir les deux idées, enfin qu'elles sont équivalentes chez Luhmann, donc c'est-à-dire en différenciant systèmes sociaux et êtres humains, je cite Luhmann, « de plus grandes libertés sont concédées à l'être humain en relation à son environnement, en particulier des libertés à un comportement irrationnel et immoral. » Dans « Einführung in die Systemtheorie », on retrouve une affirmation qui va dans le même sens. Je cite, elle est un peu plus longue. « Je me sentirais personnellement, dans tous les cas, bien plus à l'aise dans l'environnement de la société que dans la société, où d'autres gens liraient alors mes pensées et où d'autres réactions biologiques ou chimiques feraient se mouvoir mon corps, pour lequel j'avais prévu de tout autre projet. » Cela signifie que la différence entre système et environnement permet aussi d'envisager la possibilité d'un individualisme radical, dès lors que qu'on le situe dans l'environnement du système, et ce de sorte qu'autrement, nous n'aurions pas pu réaliser cette possibilité si l'on envisageait l'homme comme faisant partie de la société, c'est-à-dire si on adoptait une conception humaniste qui fait de l'homme ou un élément ou une fin de la société. Fin de la citation. Pour le dire autrement, reconnaître l'autonomie de la société vis-à-vis des hommes est l'une des meilleures voies, selon Luhmann, pour envisager la possibilité d'une autonomie de l'homme vis-à-vis de la société. Luhmann se référerait ainsi à de la division du travail social, car c'est selon lui le texte où Durkheim, sans cependant, comme on le verra dans la deuxième partie, s'engager jusqu'au bout dans cette voie, aborde l'idée d'une diminution de la pression de la société sur l'individu. La référence à Parsons dans la préface est à cet égard très importante car Parsons semble, dans la lecture de Durkheim, mettre totalement de côté le fait que les membres de la société échappent, d'un certain point de vue, au contrôle social. Lorsqu'il indique quel problème Durkheim s'attache à résoudre dans De la division du travail social, il me semble que Parsons met totalement de côté cette idée d'un affranchissement de l'individu par rapport à la société. On comprend dès lors pourquoi une telle préface s'imposait. Luhmann reformule le problème de Durkheim en le tordant, pour ainsi dire, dans l'autre sens que celui dans lequel Parsons l'avait fait. Il le fait de manière à mettre plus en avant l'idée d'un affranchissement de l'individu par rapport à la société. La stratégie argumentative de Luhmann consiste ainsi à mettre au jour le fait qu'il y avait dans de la division du travail social, certes seulement en germe, l'idée qu'on pouvait délier les deux idées que Luhmann s'attache à désolidariser l'une de l'autre. Parvenir à montrer que dans une certaine mesure, c'était déjà le cas chez Durkheim, qu'on trouve une tentative pour délier les deux idées, permettra à Luhmann, à mon avis, de mieux faire entendre ses arguments qui soutiennent son entreprise théorique. Cependant, Luhmann considère que Durkheim n'aurait pas été jusqu'au bout de cette idée, car reconnaissant certes que la société comme conscience collective exerce une pression moindre sur l'individu, il envisage une autre voie par laquelle la société peut cependant exercer cette pression sur lui. En effet, selon Durkheim, si la conscience collective ne réglemente pas ces fonctions spéciales qu'exercent les membres de la société dans la société structurée par la division du travail social, néanmoins, ces fonctions, ces dernières fonctions, n'en sont pas moins réglementées. C'est en ce sens que Luhmann va pouvoir affirmer que Durkheim ne va pas jusqu'au bout de sa pensée et accorde une grande place à la morale dans sa solution qu'il donne à ce problème. Donc je vais analyser dans un deuxième moment la critique luhmannienne de cette idée et la solution que lui propose. Donc Durkheim lui-même, selon Luhmann, ne prendrait pas ce problème au sérieux et se rabattrait sur une solution qui fait reposer en grande partie l'ordre social sur la morale. Ce faisant, il ferait une sorte de pas en arrière, selon Luhmann. Alors on peut se demander ce que Luhmann entend par morale ici. Il ne donne pas vraiment de définition précise dans ce texte. Il ne fournit pas ici la définition précise qu'il pourrait donner dans d'autres textes, comme par exemple Systèmes sociaux, chapitre 6, section 7, où il définit la moralité de la manière suivante. Toute moralité se réfère ultimement à la question de savoir si et dans quelles conditions les êtres humains s'estiment et se mésestiment. Alors, les multiples références à l'Adam Smith de la théorie des sentiments moraux, alors que Luhmann prend bien soin de distinguer de l'Adam Smith économiste, et dans la lignée duquel Durkheim, selon Luhmann, s'inscrirait directement, indiquent selon moi que Luhmann a bien en vue cette conception de la morale. Mais Luhmann ne fait pas référence ici aux notions d'estime ou de mésestime. Et ce n'est pas tant cet aspect de la moralité qui intéresse Luhmann ici. Luhmann attaque avant tout la centralité chez Durkheim accordée au contrôle social, on pourrait dire encore aux normes, dans sa théorie, c'est-à-dire au devoir qui incombe à l'individu et qui n'a pas expressément voulu. La notion de moralité chez Durkheim est d'ailleurs le plus souvent synonyme de normes dans de la division du travail social, il me semble, quand il met souvent en relation le droit et la morale. Et c'est dans cette perspective que Luhmann pose par exemple la question suivante, qui montre que quand Luhmann parle de morale, il s'intéresse d'abord à l'idée de contrôle social et de normes, donc je le cite dans la section 4. Ne peut-il pas se faire, dans l'absolu, qu'entre les individus se constitue une socialité qui soit contraire à la morale ou même tout à fait libérée des normes? On voit que c'est cette idée-là qui l'intéresse dans l'idée de morale. Ici, Luhmann s'attaque tout autant à Durkheim qu'à Parsons et à l'affirmation de ces derniers selon laquelle la structure de la société ou de tout type de système social non seulement est influencée par, mais repose sur, je vais citer en anglais, « a pattern of normative culture ». Alors je cite là le texte de Parsons, « Durkheim's contribution to the theory of integration of social systems ». Luhmann met ce faisant en évidence, dans ce texte, une tension dans la pensée durkheimienne que suscite la place centrale que Durkheim accorde à la morale dans sa réponse au problème. Ce problème, donc, qui était celui de la possibilité de l'ordre social moderne, tel qu'il est présenté par Luhmann, on se souvient, insister sur la diminution du contrôle des membres de la société par la société. À cet égard, Luhmann, quand même, qualifie la morale qui doit, selon Durkheim, permettre de rendre compte de l'ordre social dans les sociétés modernes, de « morale de la liberté », « morale der Freiheit ». Elle l'est, en un certain sens, où l'ordre social moderne, qui repose sur la division du travail, suppose que chaque individu choisit lui-même la fonction qui est la sienne et qu'il prenne conscience du rôle qu'il joue dans la société considérée comme un tout, c'est-à-dire qu'il prenne conscience de la fonction qu'il exerce dans le tout social. Et là, cela suppose un certain degré de liberté. En ce sens, l'ordre social repose, comme l'indique Luhmann, sur le fait que l'individu se mette en relation aux autres individus de manière intentionnelle et non de manière mécanique et sans réflexion. De ce point de vue-là, Durkheim reconnaît bien une liberté aux individus. Cependant, pour Durkheim, si chacun des individus est certes libre de choisir la fonction qui est la sienne, Ces fonctions sont néanmoins réglementées. Je le cite, de la nature de la tâche choisie dérivent des devoirs permanents. Dans cette perspective, il ne faut pas non plus oublier que selon Durkheim, la moralité dans la société moderne partage tout de même avec celle des sociétés anciennes un trait commun, très important, et ici les précisions de Durkheim dans la conclusion de l'œuvre, pour ce qui est de sa conception de la moralité, sont centrales pour notre propos. Je le cite, « La moralité, loin qu'elle serve à émanciper l'individu, à le dégager du milieu qui l'enveloppe, elle a au contraire pour fonction essentielle d'en faire la partie intégrante d'un tout, et par conséquent, de lui enlever quelque chose de la liberté de ses mouvements. » Je ne sais pas si vous vous souvenez de la citation que j'avais faite auparavant, on a l'impression qu'il y a deux citations qui s'opposent complètement de ce point de vue-là. Alors ici, le débat de Durkheim avec Spencer est central, puisque dans le chapitre 7 du livre 1 de la division du travail social, intitulé « Solidarité organique et solidarité contractuelle », c'est bien sur la question de la contrainte sociale que Durkheim entre en désaccord avec Spencer. S'accordant avec Spencer sur l'idée que la division du travail pourrait être la cause de l'ordre social, Durkheim critique cependant l'idée que sans contrôle social, cet ordre social pourrait perdurer et remet par là en cause l'idée spencerienne selon laquelle l'ordre social pourrait reposer sur l'échange absolument libre. Durkheim s'attaque à l'idée spencerienne, selon laquelle les individus pourraient constituer un ordre social en poursuivant leurs intérêts propres sans se soucier du bien commun. Or, selon Durkheim, c'est en fait par ce contrôle social que les individus en viendront à ne pas agir seulement selon leurs intérêts personnels, c'est-à-dire particuliers. Luhmann, donc, met ainsi, semble-t-il, une contradiction dans le raisonnement durkheimien. Je vais là maintenant m'intéresser précisément au point de critique de Luhmann. D'une part, Durkheim, en mettant en avant le fait que la division du travail coïncide avec un affranchissement de l'individu par rapport au contrôle social, mais il considère pourtant que sans contrôle social, l'ordre social n'est pas possible. Les membres de la société sont libres, mais doivent néanmoins être contraints socialement. Or, Luhmann considère qu'il est difficile, une fois que l'on reconnaît aux hommes une individualité, de leur imposer à nouveau des obligations, de les soumettre à nouveau à un contrôle social. Alors, dans quelle mesure? Là, c'est le point un peu délicat qui n'est pas du tout explicité dans ce texte-là, et je me suis référée à d'autres textes pour comprendre un petit peu mieux sa critique. Il y a un élément de réponse qui est fourni dans la sixième section, donc à la fin du texte. Il semble que la solution de Durkheim, dit Luhmann, ne peut valoir que si, notamment, on passe outre les aspects polémogènes de la morale. Alors, pour saisir ce que Luhmann entend par là, il est utile de se référer à un article publié en 69 intitulé « Normen in sociologischer Perspektive ». C'est le deuxième texte dans ce volume-là. Or, dans la deuxième partie de cet article, Luhmann insiste sur le fait que dans une société aussi complexe que la société moderne, l'ordre social ne peut plus reposer principalement sur les normes. Dans la mesure où dans la société moderne, les hommes sont libres de choisir leur comportement, ils auront la liberté de ne pas suivre les normes que d'autres suivent. Dans ce cas, dit-il, la norme des uns mène à la déception des autres. Les normes que certains hommes suivront se verront nécessairement contrariées par celles d'autres, et cette situation mènera nécessairement au conflit. Alors ici, il me semble qu'il faut dès à présent mettre au jour peut-être une ambiguïté dans le raisonnement de Luhmann, non seulement dans ce texte, mais il me semble également dans Systèmes sociaux, sur ce passage où il critique la morale. Est-ce vraiment en raison de la diversité des normes que chacun suit que découlerait ce conflit, hein? Chacun aurait des normes différentes, et du coup, la norme des uns mènerait à la déception des autres. La dimension polémogène de la morale vient en fait, à mon avis, non pas tant du fait que chaque individu suit des normes différentes, mais du fait qu'aucun n'étant tenu à suivre des normes, les normes auxquelles on pouvait se soumettre hier ne vaudront peut-être plus demain. C'est plutôt, à mon avis, cette idée-là. Bref, pour conclure sur ce point, en voulant accorder à la morale un rôle aussi central que celui que lui accorderait Durkheim, on échouerait nécessairement à résoudre le problème de l'ordre social tel qu'il se pose dans les sociétés modernes, car dans la société moderne, la morale, bien loin de produire un ordre, au contraire, produirait le conflit. Je vais maintenant me pencher, enfin pour finir sur cette deuxième partie, sur la solution que Luhmann proposerait au problème de Durkheim, et donc que ce dernier n'aurait pas réussi à résoudre. Donc, comment rendre compte de la possibilité de l'ordre social sans pour autant se référer à l'idée de morale et plus généralement de normes ou de contrôle social? Ici, Luhmann considère que Durkheim ne disposait pas à son époque de solutions satisfaisantes à son problème et que son apport consiste justement, grâce au progrès de la discipline produit depuis l'époque de Durkheim, à proposer une solution plus satisfaisante. Voici la réponse que Luhmann, à la toute fin de la section 4, présente. Je cite « Mais alors, on ne peut plus se référer à la facticité de la morale ou de la conscience collective pour répondre à la question « Comment l'ordre social est-il possible ?» Au lieu de cela, sans que l'on doive ignorer la réalité ou la pertinence des questions relevant de la morale, on s'intéressera à des concepts comme ceux de généralisation symbolique, d'accordage sélectif, de réduction de la complexité sociale, de code de communication, en tout cas à des concepts qui soulignent l'idée d'une capacité, d'une augmentation du nombre de possibles, pouvant faire l'objet d'une restriction structurelle. Alors, je vais juste préciser ce que ça veut dire la dernière phrase. Alors, l'idée d'une augmentation du nombre de possibles est liée directement à celle d'une diminution du contrôle social sur les individus. En gros, je peux faire plus de choses. Je peux choisir de faire plus de choses qu'auparavant dans les sociétés modernes. Donc, il s'agit du comportement possible que les individus peuvent adopter désormais et qui auparavant n'aurait pas été toléré dans la mesure où ils auraient enfreint les normes existantes. Quant à l'expression « faire l'objet d'une restriction structurelle », ici cela fait référence chez Luhmann à l'idée, comme j'ai précisé, d'ordre social. Donc l'ordre social suppose une restriction des possibles, des comportements possibles, mais non pas leur suppression. Comment Luhmann peut-il parvenir à une telle solution? Et à mon avis, là, on rentre au cœur du projet luhmannien. Tout d'abord, Luhmann, on le sait, considère que le problème de l'ordre social, c'est tout d'abord le problème de la réduction de la complexité, c'est-à-dire de la réduction des possibles. Comment faire pour que notamment comment faire pour que nous soyons suffisamment prévisibles les uns aux autres dans notre comportement, que nous puissions ainsi accorder nos attentes les unes aux autres? Partant de cette notion d'attente et de l'idée de généralisation des attentes, c'est-à-dire comment nos attentes peuvent-elles se stabiliser, et non de celles de normes, Luhmann va être amené à distinguer deux types d'attentes. Et cette distinction, il la trouve chez Johann Galtung. La distinction consiste entre, d'une part, les attentes normatives et, d'autre part, les attentes cognitives. Une attente normative, donc c'est ici il n'y a pas d'autre sens que ça, est une attente que l'on ne modifie pas si le comportement d'autrui la contredit. Ça veut dire qu'elle suppose que celui qui la formule exige d'autrui qu'il la satisfasse. Et dans les sociétés modernes, ces attentes mèneront au conflit, nous dit Luhmann. Une attente cognitive est quant à elle une attente que l'on modifie, que l'on adapte en conséquence si elle se voit contredite. Ça veut dire que si quelqu'un va contredire mon attente, je ne vais pas m'y tenir à tout prix pour produire le conflit, mais je vais l'adapter. Donc dans les sociétés modernes, l'ordre social reposera de plus en plus sur des attentes cognitives, ou encore, Luhmann nous dit parfois, le droit qui repose, on peut comprendre, plus sur des attentes normatives, inclura de plus en plus des aspects cognitifs dans ses propres normes. Donc ce déplacement du problème de l'ordre social que produit Luhmann, comment réduire la complexité sociale, permet de ne plus accorder une place centrale aux normes. Néanmoins, pour conclure sur ce deuxième moment, Luhmann, comme je l'ai indiqué en première partie, ne reprend pas, de son propre aveu, un problème formulé tel chez Durkheim. Durkheim, selon Luhmann, n'aurait pas seulement pas pu, dans l'état actuel de la sociologie de son époque, fournir une solution satisfaisante à son problème. Mais bien plus, selon Luhmann, justement parce qu'il ne disposait pas d'autres solutions à son époque, aurait en conséquence formulé son problème de manière imprécise, floue. Donc je vais analyser quel déplacement Luhmann opère sur la pensée durkheimienne, déplacements dont on se souvient qu'ils sont centraux du point de vue de la stratégie argumentative qu'emploie Luhmann ici. Donc Luhmann considère en effet que Durkheim a posé son problème de manière non rigoureuse, comme il dit. On comprendrait alors pourquoi il serait en droit de reformuler le problème de Durkheim. Sans cela, sa stratégie argumentative serait sans doute de peu de poids. En optant pour la solution de la morale, Durkheim aurait déjà accordé dans la formulation de ce problème un rôle prépondérant à cette dernière. Mais ne disposant pas d'autres solutions, et de plus, on dit Luhmann, dans la mesure où il constatait qu'existaient des normes, Luhmann aurait présupposé que l'ordre social devait reposer sur la morale. Luhmann, bien, certes, il est, peut-être qu'il avait sous les yeux quelque chose comme une conscience collective, un ensemble de normes qui existaient, et du coup, ne disposant pas d'autres solutions, il s'est dit, ça va être grâce à la morale qu'on peut rendre compte de l'ordre social. Si je comprends bien Luhmann sur sa critique de Durkheim. Si Luhmann décide de reformuler le problème durkheimien en évacuant les éléments qui se réfèrent à la morale, c'est qu'il y décèle une tension. Comme indiqué dans le deuxième moment de l'exposé, Luhmann met en évidence une tension dans la pensée durkheimienne, que j'avais déjà formulée. En effet, selon Durkheim, l'ordre social qui caractérise les sociétés modernes laisse une plus grande place à l'initiative individuelle, et les individus, de fait, choisissent librement la fonction qu'ils réaliseront au sein de la société structurée par la division du travail social. Et c'est à cette condition seulement qu'ils peuvent s'individualiser. Cependant, il ne s'agit pas pour Durkheim de savoir comment des individus libérés de toute contrainte sociale peuvent former un ordre social. Ce n'est pas ça son problème. Il s'agirait plutôt pour Durkheim de savoir comment les membres de la société peuvent être à nouveau pris dans les raies du filet social. Il s'agit de savoir comment l'homme est retenu, lié aux autres par le biais d'obligations. Et donc, il s'agit de voir comment du lien peut être produit, ici du lien au sens fort, c'est-à-dire ce qui me lie dans mes pensées et mes actions, ce qui fait que chacun n'est pas un pur atome ou un électron libre. Donc on pourrait y voir ici effectivement une contradiction, à la fois libéré de la pression que la société exerce sur ses membres, ces derniers devraient tout de même être soumis à un contrôle social. Et cette tension, selon Luhmann, se trouverait donc déjà en fait dans la formulation même du problème de Durkheim. Et en fait, ce serait pour cette raison que Luhmann serait en droit de reformuler le problème de Durkheim, c'est-à-dire pour évacuer cette tension. Alors j'aimerais quand même ici présenter quelques arguments de défense de la pensée durkheimienne. Il me semble qu'il ne s'agit pas pour Durkheim d'affirmer, et il me semble que Luhmann a tendance à l'occulter, que dans les sociétés modernes, les hommes sont en même temps et sous le même rapport complètement libres d'agir comme on leur semble et entravés dans leur mouvement par la société. Dans le cas contraire, on pourrait peut-être considérer effectivement que le problème serait posé de manière assez floue. Durkheim, il me semble, distingue bien deux moments. Le premier, celui où l'individu choisira sa fonction et prendra conscience de la fonction qu'il occupe au sein d'une totalité qui le dépasse. Et ce moment suppose bien que l'on préserve une place pour l'initiative de chacun. Et c'est d'ailleurs bien parce que l'individu a librement choisi cette fonction qu'il peut également librement en sortir, nous dit Durkheim. Je le cite, page 321. « Comme c'est l'individu qui s'y est engagé, il peut s'en dégager, se reprendre pour en contracter de nouvelles. » Mais une fois cette fonction choisie, alors l'homme se voit incomber des obligations qu'il n'a pas choisies. Je cite à nouveau Durkheim, « Sans doute, une fois que notre résolution a cessé d'être intérieure et s'est traduite au dehors par des conséquences sociales, nous sommes liés. Des devoirs s'imposent à nous que nous n'avons pas expressément voulu. C'est pourtant dans un acte volontaire qu'ils ont pris naissance. » Durkheim, il me semble, tient bien donc les deux bouts de la corde, si l'on peut dire. Il s'agirait peut-être de moments différents. Pour finir cet exposé, je voudrais juste peut-être... c'est pas indiqué en fait dans ce texte-là, mais ça permet de poursuivre un peu la discussion, le dialogue entre Luhmann et Durkheim. J'avancerai donc l'idée que le modèle de différenciation sociale auquel Luhmann recourt pour décrire les sociétés modernes n'est pas celui auquel se réfère Durkheim. Et en fait, c'est à la fin de systèmes sociaux, dans Société et Interaction, il me semble que Luhmann exploite un même type de stratégie argumentative que dans ce texte-là. Et d'ailleurs, on ne sera pas très étonné de voir que les passages où Luhmann, donc dans Systèmes sociaux sur la différenciation, procède de la sorte, ce sont en fait précisément ceux dans lesquels Luhmann s'attache à montrer que les individus dans les sociétés modernes s'affranchissent de plus en plus du contrôle social. On voit vraiment les idées qui sont présentes à ce moment-là. Pourquoi Luhmann ne se réfère-t-il pas au modèle durkheimien de la division du travail pour rendre compte des sociétés modernes, c'est-à-dire de ce qu'il appelle la différenciation fonctionnelle? Pourquoi ce n'est pas les mêmes modèles? Le modèle durkheimien ne permet pas en effet de se départir totalement de l'idée d'un contrôle social de la société sur les individus, et le choix du modèle de la division du travail est à cet égard significatif. Je vais expliquer. Comme l'indique Durkheim, le modèle de la division du travail implique pour chacun des membres qui se spécialise dans une fonction d'adopter un rôle. On attend qu'il se comporte de telle ou telle manière suivant la fonction qu'il a choisie, c'est-à-dire que ce dernier est tenu de se comporter de telle ou telle manière. Et Luhmann, lorsqu'il s'attache à critiquer l'importance que Parsons et Durkheim accordent aux normes dans leur théorie, corrèle souvent l'idée de norme à celle de rôle. Il met souvent quand il fait une suite de termes pour les qualifier, il utilise ces termes-là. Et on voit que la différenciation fonctionnelle à laquelle recourt Luhmann pour décrire les sociétés modernes rompt avec l'idée que les individus seraient tenus de réaliser une fonction et par là même un rôle. En effet, le modèle de différenciation amène au contraire à penser que l'individu, chez Luhmann, est amené à remplir plusieurs rôles dans les sous-systèmes dans lesquels il est amené à évoluer. Et fort de ce constat, Luhmann affirmera qu'il est alors nécessaire, pour penser cette multiple participation dans les sous-systèmes, que l'individu ne soit assigné à aucune fonction en particulier, c'est-à-dire qu'il peut en quelque sorte s'en soustraire. Et c'est dans ce sens que ce modèle de la différenciation romprait avec l'idée de rôle chez Luhmann.